J'écoute ce que fait Zig. Titi fait péter ton rock. We'll be right back. Georgia qui arrive quand je m'en vais.